Chapitre 17e. Après une scène attendrissante avec sa mère et ses sœurs, Charlotte quitta la maison paternelle sous l'escorte de son vieux père, lequel s'était chargé de la conduire à Dresde chez la comtesse Faustine, afin de la remettre lui-même aux mains de l'homme de confiance qui devait l'emmener en Alsace. C'était son père que la jeune fille regrettait surtout en partant. Il l'aimait d'une affection toute particulière, et elle était pour lui comme une Antigone. Mais il fallait obéir à la nécessité. Pauvre Charlotte. Elle s'éveillait de bien bonne heure aux réalités de la vie. Lorsque, dans ses rêves de jeune fille, la perspective de quitter l'antique demeure où elle naquit lui était apparue, c'était sous le patronage d'un époux. C'était pour être adoptée par une seconde famille. Ce rêve, doucement caressé, était fini. Elle allait vivre dans l'exil, chez des étrangers, loin de son vieux père que peut-être elle ne reverrait plus. Charlotte, à cette image, rassemblait tout ce qu'elle avait de fermeté. Mais elle tournait fréquemment la tête vers la maison paternelle qui s'effaçait déjà à l'horizon et elle pleurait en silence. Mario se trouvait chez la comtesse au moment où le baron von Stein et sa fille y descendirent. Il renoua connaissance avec eux. Par les détails qu'il leur donna sur sa famille, et particulièrement sur le caractère plein de douceur et de bonté de sa sœur Mathilde, il ranima leur courage. « Vous arriverez juste pour l'époque du mariage, ma chère Charlotte, » dit Faustine. « C'est une circonstance favorable pour vous, et qui, en vous ôtant votre qualité d'étrangère, vous fera aimer tout de suite. Votre souvenir se trouvera lié, dans le cœur des deux époux, à celui d'un heureux événement, et vous serez tout d'abord comme quelqu'un de la famille. » « Et je ne tarderai pas à vous rejoindre, » ajouta Mario, « et je vous apporterai des nouvelles de vos amis. À Dieu ne plaise qu'on célèbre sans moi cette fête de famille. » « Monsieur le comte, » reprit le baron von Stein, « je suis charmé que vous considériez comme une fête de famille la célébration d'un mariage. De mon temps, c'était une solennité qu'on prolongeait pendant des semaines entières et qui donnait lieu à des danses, à des festins, à des réjouissances de toutes sortes. Mais aujourd'hui, la mode a changé. On escamote un mariage de manière à attirer le moins d'attention possible. C'est l'affaire d'une heure ou deux. On se réunit clandestinement le soir ou le matin. Les époux reçoivent la bénédiction nuptiale, montent en voiture et s'enfuient aussitôt. « Mais, monsieur le baron, » dit Faustine, « c'est une mode que, pour ma part, j'approuve fort. »« sans doute, » répondit le baron von Stein. « Une jeune épousée craint les regards curieux. Un jeune époux n'est point fâché non plus de hâter l'instant où il se trouvera seul avec celle qu'il aime. La nature le veut ainsi. Mais en pareil cas, la nature a tort. Que deviennent ses parents et ses amis qu'on avait assemblés pour consacrer par leur présence l'union de deux cœurs et de deux familles? Ils se dispersent, ils s'en retournent, n'emportant chez eux qu'un souvenir éphémère, que des émotions bien vite effacées, qu'une sympathie qui n'a pas eu le temps de naître. Mieux eût valu qu'ils fussent restés quelques jours pour voir s'établir le jeune ménage et pour apprendre à l'aimer, car on s'intéresse à de nouveaux époux. Ce spectacle ragaillardit le cœur. Morbleu, montant, on était heureux et fiers de dérober un morceau de la jarretière de la mariée. C'était un emblème, voyez-vous. Cela signifiait qu'un lien d'amitié était établi entre les assistants et la jeune famille. Mais aujourd'hui, on se moque des anciens usages, on les traite de vulgaires et de grossiers. L'anglomanie pénètre jusque dans nos mœurs allemandes. Corbleu, si jamais Charlotte se marie. Un regard suppliant de la jeune fille ferma la bouche au baron. Faustine était complètement absorbée dans sa pensée et Mario lui-même paraissait tout rêveur. Vers le milieu du jour, Feldern, qui était informé de l'arrivée du baron von Stein et de sa fille, se présenta à l'hôtel de la comtesse pour leur offrir ses hommages. Mais il n'eut pas le courage d'affronter leur présence et, à peine entré sous le vestibule, il rebroussa chemin. Il avait réfléchi sans doute à la position fausse et embarrassante dans laquelle il serait placé vis-à-vis d'eux, et au rôle tout à fait secondaire qu'il aurait à jouer dans une scène d'adieu. Le lendemain matin, Charlotte partit, escortée du serviteur que la mère de Mangan avait chargé de cette mission. Le baron von Stein prit lui-même congé de Faustine, non sans lui demander la permission de venir la voir quelquefois, afin de parler de Charlotte avec elle. « Vous aussi, vous allez partir, » dit Faustine à Mario quand elle fut restée seule avec lui. « Vous aussi, vous allez me quitter. Tout le monde me quitte. » « Je serai bientôt de retour, » répondit Mario. « Ma famille désire ma présence, et il faut, oui, il faut. » « Je conçois. interrompit Faustine, qui le vit hésiter et détourner la tête. « Mais, ajouta-t-elle, j'espère que notre séparation ne sera que momentanée. »« Pourriez-vous en douter ? » s'écria Mario. « Je ne suis pas encore parti et déjà j'ai hâte de revenir. Et puis, nous sommes jeunes tous deux. »« Oh, ce n'est pas une raison, » répliqua Faustine avec un accent de tristesse. « Les vieillards se trouvent presque toujours, mais les jeunes. » Elle ne put achever et soupira profondément. Pendant tout le reste du jour, elle fut rêveuse et abattue. Sa mélancolie finit par gagner Mario qui n'essaya plus de l'en distraire. Serait-ce l'annonce de mon départ qui aurait produit cet effet ? Se demanda-t-il. Eh bien, voici le moment d'avoir une explication décisive. Qu'ai-je à craindre ? Nous sommes libres l'un et l'autre, et si elle m'aime, si elle m'aime ? Et Mario, comme toujours, s'arrêtait devant ce doute. Une semaine s'écoula. Le comte avait achevé ses préparatifs. Chaque jour, il annonçait son départ, et chaque jour, il le différait. Faustine ne sortait point de l'état d'accablement où elle était d'abord tombée. Elle ne se sentait ni force ni courage. Sa résolution naturelle lui faisait complètement défaut. Elle n'osait envisager ni le présent ni l'avenir, et s'enveloppant comme d'un nuage de chagrin, de doute et d'incertitude, elle évitait même de penser. Pendant ce temps-là, Clément multipliait ses visites et recommençait à soupirer tout haut. Mais Faustine, qui vis-à-vis de Mario éprouvait une contrainte indéfinissable, se trouvait en quelque sorte à l'aise avec Clément et le laissait paraître par la manière dont elle l'accueillait. Elle ne le raillait plus et se montrait moins réservée dans les expressions dont elle usait en lui parlant. Elle semblait le plaindre et non plus s'offenser de son amour. Hélas, de la part d'une femme, la pitié peut être un tort. Les hommes s'y trompent. Clément Waldorf reprenait une à une toutes ses espérances. « Mario s'éloigne, » se disait Clément. « Faustine le regrettera d'abord, puis elle l'oubliera. Si elle l'aimait, le laisserait-elle partir ? Quant à Andlau, qui va reparaître, elle ne l'aime plus comme auparavant. Depuis 6 mois qu'il l'a quittée, elle n'a pas eu l'air de souffrir de son absence. Je reste donc seul, je n'ai plus de rivaux. Seul aussi, je l'aime d'un véritable amour. Oh, il faudra bien que ma passion et ma persévérance triomphent. » Il venait donc chaque jour, dans la matinée, avant l'heure des visites, quand il était certain de se ménager une espèce de tête-à-tête. Il passait, à côté d'elle, de longs instants sans prononcer un mot et sans qu'elle lui adressât la parole. Le plus souvent, elle s'occupait de quelque ouvrage de peinture, et elle ne s'interrompait pas en le voyant arriver. Elle l'accueillait par un sourire ou par un signe de tête silencieux, et ne semblait plus s'apercevoir de sa présence. Clément, toujours présomptueux, interprétait favorablement cette manière d'en user avec lui sans cérémonie. Il s'imaginait que Faustine, ne lui parlant pas, pensait à lui, qu'elle s'habituait à l'avoir près d'elle, qu'il lui devenait nécessaire. Clément se trompait. Enfin arriva la veille du jour fixé pour le départ de Mario. Faustine avait réuni quelques amis dans son salon. Elle faisait des efforts évidents pour que sa soirée fût aussi gaie que possible. Elle-même déployait toute la grâce et tout l'esprit dont elle était si richement pourvue. Le comte, retenu ailleurs, ne s'était pas encore présenté, et en son absence, Faustine s'acquittait plus facilement de son rôle. À la voir si aimable et les traits animés par un sourire bienveillant, on l'aurait cru heureuse, ce n'était qu'un masque. Le vieux comte de Kirchberg lui ayant demandé pourquoi on lui avait donné ce nom excentrique de Faustine, elle répondit gaiement « Que voulez-vous ? Mon père aimait tellement le chef-d'œuvre de Goethe que, pour avoir occasion d'y penser plus souvent, il résolut de nommer Faust et Faustine les 2 premiers enfants, garçons et filles, qui lui naîtraient. Ma mère se récria vivement et protesta contre ces noms barbares, car il y en avait d'autres qu'elle affectionnait et qu'elle tenait en réserve. Les 2 époux eurent à ce sujet de grandes contestations. Je vins au monde et mon père, qui s'obstinait dans son idée, obtint que je fusse appelée Faustine. Mais plus tard, quand il fut question de baptiser ma sœur cadette, ma mère fit tant qu'on lui donna le nom de Louise. Hélas, ils n'eurent pas la consolation de nous appeler longuement des noms qu'ils aimaient. Ils moururent, ma mère de maladie, mon père sur un champ de bataille. Et ce nom de Faustine, en avez-vous été contente ? Demanda encore le vieux comte. Il a exercé sur mon esprit et mon caractère une singulière influence. Il m'a fait ce que je suis, c'est-à-dire... » Faustine n'acheva point, car Mengen venait d'entrer, et son apparition causa un mouvement général qui la dispensa d'en dire davantage. Mengen s'approcha d'elle et la regarda fixement. Plus clairvoyant que les autres, il remarqua des signes d'agitation qui avaient échappé à tout le monde. Il observa qu'elle précipitait ses paroles, qu'elle changeait de couleur à chaque instant et que ses regards, pleins d'un feu sombre, étaient un instant après humides de langueur. « Vous êtes fatigué, » lui dit-il tout bas, en s'asseyant à côté d'elle. « Oh, fatigué à mourir !» répondit Faustine en s'affaissant sur sa chaise. « Et vous faites tous les frais de la conversation. On ne devrait point parler quand le cœur n'est pas à ce qu'on dit. Est-ce vous qui professez une telle maxime, vous qui agissez contrairement à l'impulsion de votre cœur ? Comment ? Que signifie ? Oui, » poursuivit Faustine, d'une voix contenue, mais pleine d'énergie. « Vous partez, vous me quittez pour assister à une fête de famille, et pourtant, vous aimeriez mieux rester ici, n'est-ce pas vrai ?» Mario ne répondit rien. Il évita même de rencontrer les regards de Faustine, et il ne se mêla point à la conversation, qui prit bientôt un tour général. La soirée s'écoula sans autre incident. Les invités sortirent les uns après les autres, non sans avoir prodigué à Mario ses souhaits de bon voyage, ses phrases d'adieu qui coûtent si peu à la politesse du monde. Faustine, incapable de se tenir debout, s'était laissée tomber sur un canapé, et à mesure que ses amis prenaient congé d'elle, elle les saluait d'un signe de tête. Mario demeura le dernier. Debout, les bras croisés sur sa poitrine, il se tenait immobile devant elle et la contemplait dans un sombre silence. Sous ce regard qui exprimait tant de sentiments divers, Faustine baissait la tête et semblait se recueillir. À la fin, elle se leva, les yeux humides, et lui posant sur le bras les deux mains jointes, elle murmura d'une voix étouffée. « Adieu donc, mon ami. »« Puis-je vous quitter ainsi ?» répondit Mario, d'un ton rauque, en s'emparant de ses deux mains, qu'il retint dans les siennes. « Faustine, Faustine, je ne le puis, je n'en ai pas la force. » Ces mots et l'accent avec lequel Mario les prononça semblaient ranimer celle qui l'écoutait. Mario, encouragé par cette émotion, laissa enfin échapper l'aveu direct de ses sentiments. « Faustine, » ajouta-t-il, « c'est à vous de décider si je dois rester ou partir, car je vous aime. »« Mon Dieu, il m'aime !» s'écria Faustine avec un transport d'enthousiasme. « il m'aime et il ne le disait pas, mais c'est un rêve, cela ne peut pas être vrai. »« Ce n'est pas un rêve, Faustine, c'est une réalité. » Mon existence est liée à la vôtre. Je vis et je respire uniquement en vous, mon cœur, mes pensées, tout mon être vous appartient. Je vous aime. » Déjà l'impression de surprise qu'il avait soudain comme exaltée commençait à s'effacer. Faustine passa la main sur ses yeux, elle murmura comme se parlant à elle-même. « Non, non, ce serait horrible. »« Que dites-vous ? » demanda Mario qui la vit tressaillir. « D'où vous vient cet effroi ? « Je vous aime, et vous m'aimez. Moi ?» s'écria Faustine. « Moi, je... Non, vous vous trompez, monsieur le comte. Vous vous trompez étrangement. » Ce fut le tour de Mario de changer de visage. « Faustine, » dit-il en faisant un pas vers la jeune femme, et avec un accent qui exprimait un amer reproche. Faustine se laissa tomber sur une chaise et se couvrant les yeux de ses deux mains, elle fondit en larmes. Toute son attitude trahissait une lutte intérieure, une angoisse des plus cruelles. Mario en eut pitié. Il alla se placer à ses genoux. « Faustine, » lui dit-il doucement, « comment pouvez-vous être si peu sincère avec moi ? Avec vous ? Et avec vous-même ? Pour que cherchez à vous tromper ainsi que moi ? Le ciel m'est témoin. » Mario ne lui laissa point le temps de poursuivre. Il s'empara de ses deux mains, dont elle essayait encore de se faire comme un voile. « Regardez-moi. « Regardez-moi, Faustine. Et maintenant, répondez avec franchise, ne m'aimez-vous pas ?»« Non, » répondit-elle. Ce nom fut prononcé d'une voix à peine intelligible. Faustine, en l'articulant, voulut détourner la tête, mais malgré elle, son regard resta comme rivé à celui de Mario. « Ah ! » s'écria Mario, « ce sont vos lèvres qui disent non, mais vos yeux disent oui, et je crois à leur langage. »« Non, non, » répéta Faustine avec une détresse croissante, et en essayant de dégager ses mains pour se cacher le visage. Croyez à ce que je vous dis, et non à ce que disent mes yeux. » Faustine, reprit Mario en se levant, et avec un accent profond, si vous ne m'aimiez pas, si tout ce qui s'est passé n'avait été qu'un jeu de votre part, si, comme une coquette vulgaire, Mario ! Interrompit Faustine. Oui, si, comme une coquette vulgaire, vous n'aviez usé de l'étrange pouvoir de fascination que Dieu vous a donné, Mario ! Répéta encore Faustine d'un ton suppliant. Grâce, grâce ! Que pour jouir de mes tortures ! Arrêtez, Mario ! S'écria Faustine en tombant à genoux. Je vous aime ! Mais en même temps, comme si elle n'avait fait cet aveu que pour échapper à un supplice, elle repoussait Mario et détournait les yeux. Faustine, lui dit Mario, pourquoi me repousser ainsi quand mon cœur déborde de joie, quand, par ce doux aveu, vous m'avez rendu le plus heureux des hommes ? Vous l'avez dit, vous m'aimez, désormais vous êtes à moi, nos deux existences sont liées l'une à l'autre. Vous serez ma femme adorée. Faustine, debout à quelques pas devant lui, une main sur son cœur et l'autre sur ses yeux, écoutait en silence ses protestations. « Quoi ? » demanda Megan. « Y a-t-il quelque obstacle à notre union ? Ne nous aimons-nous pas ? Ne sommes-nous pas libres ?»« Mario ! » répondit enfin Faustine, d'une voix profondément altérée. « Il faut nous séparer. »« Nous séparer ? Juste ciel ! » !»« Il le faut. Ou plutôt, notre séparation est déjà faite. Et elle est faite à tout jamais. »« À tout jamais ?» répéta Megan, frappée de stupeur. « Comment ? Est-ce que... Grand Dieu ! » s'écria-t-il tout à coup. « Andlau ! » Faustine ne répondit rien. Mais d'un signe, elle confirma cette révélation terrible et Mario, joignant convulsivement ses mains, tomba comme foudroyé sur une chaise. Un long silence suivit. Faustine fut la première à le rompre. « Ami, dit-elle à mi-voix, vous voyez bien que nous sommes à tout jamais séparés. Plût à Dieu que vous fussiez parti plus tôt, sans m'avoir arraché le secret de ma faiblesse pour vous et celui de... Non, reprit le comte en se dressant brusquement sur ses pieds et avec une sorte de frénésie. Rien au monde, pas même lui, ne saurait nous séparer. Qu'importe le passé, il s'agit du présent. Si un autre a eu sur vous des droits, ces droits cessent du moment que vous m'aimez. Vous êtes à moi, Faustine, à moi seul. Personne ne peut vous disputer à moi. Et pourtant, Mario, n'étant plus à lui, je ne puis être à vous. Serais-je heureuse avec l'idée de faire le malheur d'un ami longtemps éprouvé ? Vous-même, seriez-vous heureux quand à mes côtés des réflexions, des souvenirs impossibles à écarter ? Non, non, il y aurait démence de l'espérer. Mais c'est moi que vous aimez, moi seul ! S'écria Mario en se tordant les bras. Non, Mario, je l'aime lui, cet homme à qui j'ai abandonné mon cœur et ma vie, et qui a toujours été pour moi l'ami le plus dévoué, le guide le plus fidèle. Mais moi, Faustine ! Interrompit Mario avec un geste suppliant. Est-ce que vous ne m'aimez pas ? Elle se laissa glisser à ses pieds, lui entoura les genoux de ses deux bras et y appuya sa tête. Il essaya de lui faire quitter cette attitude, mais elle lui dit « Laissez-moi comme cela, je suis bien ainsi. Mario, mon ami, je vous aime, seulement ne m'interrogez pas, ne me questionnez pas. Que vous répondrai-je ? Je me perds moi-même dans l'abîme de mon cœur. Je ne sais qu'une chose, je vous aime. » Et elle ne cherche plus à retenir ses larmes. « Vous me direz tout, Faustine, » reprit Mario après une nouvelle pause et lorsque l'agitation nerveuse de la jeune femme se fut un peu calmée. « Je ne veux plus rien ignorer de ce qui concerne votre passé. Jusqu'ici, je n'ai rien voulu savoir, rien deviné. Il est temps que tout me soit connu, afin que je décide sur vous et sur moi. » Ainsi, Faustine, la vérité, la pure et sainte vérité. Parlez comme si vous étiez devant Dieu. « Oui, » répondit Faustine d'un ton solennel et en se levant. « Je parlerai comme si j'étais devant Dieu. Écoutez-moi donc, Mario, et prononcez. » Mario s'assit à sa place ordinaire, à l'angle d'une petite table sur laquelle la lampe se trouvait posée. Ses deux bras étaient croisés sur sa poitrine. Son attitude était celle de l'attention et du recueillement. La lumière de la lampe, qui l'éclairait de profil, dessinait sa belle tête, ses traits nobles et réguliers, où respirait en ce moment une expression de grave mélancolie. On eût dit un portrait de Velasquez ou de Murillo. L'étoffe en damas du fauteuil où le comte se tenait assis contribuait encore à mettre en relief les lignes de ce visage à la fois mâle et gracieux. Debout, en face de lui, Faustine était entourée comme d'un cercle de lumière. L'animation de ses traits n'ôtait rien à leur délicatesse. Il y avait en elle un mélange de tristesse et d'inspiration. Elle rappelait une de ces figures angéliques tracées par le pinceau du guide. C'était, suivant les émotions du moment, tantôt la tête de Saint Jean, tantôt celle de la Madeleine. Ainsi réunies dans un cadre étroit, ces deux physionomies offraient un contraste saisissant. Mario, le front chargé d'une inquiétude sombre, mais non pas accablé. Prêt à mourir, mais calme et décidé à lutter jusqu'au bout. Faustine, planant entre la terre et le ciel, avec toutes les faiblesses de l'une et tous les sublimes instincts de l'autre, aussi voisine d'une chute que du plus noble essor, en même temps faible femme et ange glorieux.